Vous écoutez toujours Futur Simple, toujours sur CKRL et toujours au 89.1. Et si je vous dis rythme, peut-être que vous penserez probablement à musique. Mais il y a aussi les rythmes biologiques, donc le sommeil, la fréquence cardiaque, la température corporelle. Les comportements de presque tous les animaux terrestres suivent des rythmes d'origine endogène, des rythmes biologiques. On parle même plus précisément de rythmes circadiens. Et Adèle Mazurek va nous faire découvrir ces rythmes en descendant sous terre. Bonjour Adèle. Bonjour Valérie. Donc en effet, j'ai choisi de parler des rythmes circadiens à travers l'expérience plutôt incroyable de l'aventurier et scientifique français Michel Siffre. En fait, on est le 16 juillet 1962 quand l'explorateur souterrain commence une expérience hors du temps. Et ça ressemble à quoi une expérience hors du temps ? Alors ça consiste à vivre en dehors de tout repère lumineux ou sonore, ce qui nous arrive très rarement maintenant. C'est vrai, ouais. Et qui pourrait en fait nous indiquer à quel moment de la journée on se trouve. Alors dans le cas de l'explorateur, c'est au fond d'un gouffre dans les Alpes-Maritimes en France qu'il va passer 2 mois de son temps. D'accord, donc il descend 2 mois sous terre, hors du temps, mais ça a quel intérêt finalement ? Alors c'est bien sûr un scientifique, alors l'idée est de s'isoler de toute information temporelle pour un peu voir comment notre corps réagit et comment il est réglé. Mm-hmm. Donc il était en contact avec l'extérieur par le téléphone pour donner des informations, il appelait à chaque coucher, à chaque réveil et à chaque repas. Et bien sûr, aucune indication ne lui donnait le temps réel. C'est ça. Donc en haut, donc à la surface, on ne lui dit pas du tout s'il fait jour, s'il fait nuit. On non, lui dit du rien. Tout. D'accord. Alors, il tente hein, de vivre une journée normale. Donc quand il avait fini de dormir, il allumait une petite lampe, puis il lisait, il écrivait. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle « Hors du temps » pendant son expérience, qui est passionnant. Mm-hmm. Donc autrement dit, bah, quand il se réveille, il passe le temps à lire, à écrire. Mais sur le plan scientifique, qu'est-ce que cette expérience a apporté ? Alors déjà, il y a quelque chose qui est un peu étonnant, donc c'était voulu que l'expérience dure 2 mois, ça avait été décidé comme ça. Donc le 24 septembre 1962, quand l'équipe annonce à Michel Siffre que l'expérience est terminée, lui il pense qu'on lui ment pour le faire sortir plus tôt. Ah ouais. Et lui il se croit le 20 août. Ah. Alors en fait, c'est presque un mois avant ça. C'est ça. Donc en fait, l'explorateur réalise que ses journées étaient beaucoup plus longues que ce qu'il évaluait. Donc par exemple, il pensait s'être ennuyé quelques heures alors que ça faisait 14 ou 18 heures d'affilée qu'il était éveillé. Ouais. Et donc du coup, tout était décalé, il déjeunait à la fin de la matinée. Quand il se couchait pour une sieste, des fois ça pouvait être pour beaucoup plus d'heures que ce qu'il pensait. C'était une nuit complète peut-être. Voilà, ben justement, et en fait, ben, au lieu de réaliser... il réalisait en fait un deuxième cycle veille-sommeil, c'est-à-dire que le temps qu'il percevait s'écoulait presque 2 fois moins vite que le temps réel. Ouais, d'accord. Alors donc justement, cette expérience nous apprend quelque chose sur notre rythme veille-sommeil, bon peut-être plus dans la vie habituelle. Bah, l'explorateur, lui, n'a pas appris grand-chose lui-même dans sa grotte parce qu'il était un peu déréglé. Ouais. Mais c'est les personnes qui sont restées à l'extérieur qui ont dessiné un sorte de graphique de ces cycles qu'on appelle en fait nyctéméraux. Donc ils ont remarqué une régularité entre 2 réveils, c'est-à-dire entre le moment où Michel Siffre se réveillait puis l'autre fois où la deuxième fois où il se réveillait, ouais. Un rythme de 24h30. D'accord. Alors qu'on a toujours pensé que c'était plutôt 24h. Bah oui. Et en fait, ça se régulait aussi bah, lorsque le cobaye veillait davantage, bah, pour rattraper. Le cobaye. Oui, le cobaye. Le cobaye, oui, on peut dire ça comme ça. Veillait davantage, en fait, ses nuits étaient plus courtes pour sans qu'il s'en rende compte, évidemment. C'est ça. Ah, ok. Donc, sans s'en rendre compte, il raccourcissait ses nuits pour que sa période veille-sommeil coïncide avec 24h30. C'est ça. Ça se régulait à son insu, finalement. Complètement, oui. Ouais, d'accord. Mais quand même, après 2 mois à étirer ses journées, puis à dormir un peu n'importe quand, il était dans quel état, Michel Siffre ? Bah, il est sorti vraiment épuisé de son expérience. Alors déjà, parce que les conditions, il n'avait pas choisi les conditions les plus faciles. Il dormait dans une tente, il faisait très froid. Je crois qu'il y avait 98% d'humidité dans la grotte, c'était presque invivable. Il a fallu aussi qu'il se réhabitue à la lumière du jour parce que dans l'obscurité pendant 2 mois, c'est quand même difficile. Mais c'était dur pour lui, mais finalement, ça l'a pas refroidi puisqu'il va passer l'an 2000 dans une grotte encore. Il va recommencer son expérience. Une année complète ? Non, juste le passage de l'an 2000. Okay. C'est ça. Ouais. Et mais il va rester encore plusieurs mois. Et d'ailleurs, ça va encore confirmer ses précédents résultats. Et alors, si on revient au rythme biologique, bon, ils sont quand même reliés au lever et au coucher du soleil, non ? Oui. Bah, en fait, il y a plusieurs rythmes biologiques. Donc, il faut savoir que notre environnement est rythmé. Il est composé d'événements cycliques. Alors tout simplement justement par la nature de notre système solaire, donc les saisons, les marées, les alternances jour-nuit. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les rythmes exogènes qui vont en fait dépendre de notre quotidien. Le coucher, le lever du soleil, bah, les horaires des repas, les horaires de travail qui finalement nous rythment malgré nous. Et puis il y a les rythmes vraiment ancrés en nous qui sont dans notre organisme qui s'appellent des rythmes endogènes et qui cette fois vont régler tout ce qui est physiologique. Donc par exemple les battements cardiaques, biochimiques comme les hormones ou comportementales comme le sommeil ou aussi chez certains animaux la migration ou l'hibernation. D'accord. Et donc, tous nos comportements sont réglés de la même manière ? Alors non, là c'est pareil, à travers les rythmes endogènes, on a plusieurs rythmes différents. Donc on a les rythmes ultradiens qui vont durer un peu moins de 24 heures. Donc ça c'est par exemple tout ce qui est fonction urinaire, par exemple. Ouais, c'est vrai. Les rythmes infradiens, donc ça c'est ce qui dure plus de 24 heures. Donc bah, chez la femme, c'est le cycle menstruel. Et puis on a nos fameux rythmes circadiens. Donc, dont on dit la période dure environ 24 heures. Donc, comme on a vu précédemment, chez Michel Sif, c'était 24 heures et 30 minutes. Est-ce qu'on a des exemples de processus qui suivent un rythme circadien ? Alors, finalement, dans nous, tout est rythmé par ces rythmes. Ouais. Alors, par exemple, la température corporelle, elle va être plus basse à 4h30 du matin. Ah. Et beaucoup plus élevée, elle va être vraiment élevée à 19h. D'accord, donc là on approche de notre pic là, 18h on approche de notre c'est pic. C'est ça, alors évidemment bah, entre toi et moi il va y avoir des variations, ça dépend des individus. Et puis en fonction du stress, d'une maladie ou bah, aussi de la température qu'il fait à l'extérieur, ça va varier. Et puis bah, au niveau hormonal, donc, on a aussi des rythmes, par exemple la sécrétion de mélatonine, donc, qui est une hormone produite par la glande pinéale dans notre cerveau, qui va indiquer à l'organisme le moment de la journée et la période de l'année. C'est-à-dire si la concentration est forte, ça veut dire qu'on est au milieu de la nuit et puis qu'on est en hiver aussi. Et si elle est plus faible, ça va plus dire qu'on est en été. Puis ça, donc, ça, c'est vraiment un rythme endogène parce que c'est complètement indépendant de notre volonté. On parlait tout à l'heure des rythmes exogènes, endogènes. Bon, exogène, on va manger, bon, on choisit un petit peu de manger. Oui, c'est ça. Mais là, endogène, là, une production d'hormones... Non, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, qu'est-ce qu'il advient de cette horloge biologique interne quand on voyage et qu'on change de fuseau horaire? J'imagine que ça doit être un peu chamboulé. D'ailleurs, on en fait tous un peu l'expérience. Oui. Alors, il y a les décalages horaires. Il y a aussi les horaires de travail décalés. Ah oui. Mais dans le cas d'un décalage horaire, donc ça se manifeste surtout pour les vols qui traversent 3 ou 4 fuseaux horaires. Donc en fait, bah, nos rythmes dont on a parlé tout à l'heure, nos rythmes internes sont complètement décalés avec les rythmes externes. Donc nous, on a envie de dormir quand il fait jour, par exemple. C'est ça. Et bah, la meilleure solution, c'est de sortir, d'aller à la lumière pour essayer de recaler notre horloge biologique. Et De reprendre contact avec les signaux lumineux qui sont à l'endroit où on arrive là. C'est ça, en fait, un peu dire à notre cerveau oui, il fait jour, donc là faut pas dormir et c'est à cette heure-ci qu'il faut manger. Ça va, alors, ça va dépendre des gens. Non, on dit qu'en général il faut pour récupérer une journée par fuseau horaire traversé. Alors évidemment, là aussi, ça va dépendre des gens. Et puis notre habitude à voyager aussi. Et donc, on observe un peu les mêmes choses pour les gens qui ont des horaires de travail décalés. Oui, c'est pareil. Donc, on va s'habituer au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'au début, quand on travaille de nuit, il faut dire à son corps que c'est le moment de se réveiller et qu'il faut être alerte. Pas facile. Non. Ben, merci beaucoup, Adèle. Merci donc, à toi. On va respecter l'horloge biologique de CKRL, justement. Donc, ça veut dire qu'on va passer en pause publicitaire sur CKRL au 89.1.